Fortunato éleva aussi sa main gauche et indiqua du pouce, par-dessus son épaule, le tas de foin auquel il était adossé. L'adjudant le comprit aussitôt. Il abandonna l'extrémité de la chaîne. Fortunato se sentit seul possesseur de la montre. Il se leva, avec l'agilité d'un daim, et s'éloigna de 10 pas du tas de foin que les voltigeurs se mirent aussitôt à culbuter. On ne tarda pas à voir le foin s'agiter, et un homme sanglant, le poignard à la main, en sortit. Mais, comme il essayait de se lever en pied, sa blessure refroidie ne lui permet plus de se tenir debout. Il tomba. L'adjudant se jeta sur lui et lui arracha son stylet. Aussitôt, on le garrotta fortement, malgré sa résistance. Gianetto, couché par terre et lié comme un fagot, tourna la tête vers Fortunato, qui s'était rapproché. « Fils de... » lui dit-il, avec plus de mépris que de colère. L'enfant lui jeta la pièce d'argent qu'il en avait reçue, sentant qu'il avait cessé de la mériter. Mais le proscrit n'eut pas l'air de faire attention à ce mouvement. Il dit avec beaucoup de sang-froid à l'adjudant. « Mon cher Gamba, je ne puis marcher. Vous allez être obligé de me porter à la ville. »« Tu courais tout à l'heure plus vite qu'un chevreuil, » repartit le cruel vainqueur. « Mais sois tranquille. Je suis si content de te tenir que je te porterai une lieue sur mon dos sans être fatigué. Au reste, mon camarade, nous allons te faire une litière avec des branches et ta capote. Et à la ferme de Crespoli, nous trouverons des chevaux. Bien, dit le prisonnier. Vous mettrez aussi un peu de paille sur votre litière pour que je sois plus commodément. Pendant que les voltigeurs s'occupaient, les uns, à faire une espèce de brancard avec des branches de châtaignier, les autres, à penser la blessure de Gianetto, Matteo Falcone et sa femme parurent tout d'un coup au détour d'un sentier qui conduisait au maquis. La femme s'avançait, courbée péniblement, sous le poids d'un énorme sac de châtaigne, tandis que son mari se prélassait, ne portant qu'un fusil à la main et un autre en bandoulière, car il est indigne d'un homme de porter d'autres fardeaux que ses armes. À la vue des soldats, la première pensée de Matteo fut qu'il venait pour l'arrêter. Mais pourquoi cette idée? Matteo avait-il donc quelques démêlés avec la justice? Non, il jouissait d'une bonne réputation. C'était, comme on dit, un particulier bien famé. Mais il était corse et montagnard, et il y a peu de corses montagnards qui, en scrutant bien leur mémoire, n'y trouvent quelques pégadilles, telles que coups de fusil, coups de stylet et autres bagatelles. Matteo, plus qu'un autre, avait la conscience nette, car depuis plus de 10 ans, il n'avait dirigé son fusil contre un homme. Mais, toutefois, il était prudent, et il se mit en posture de faire une belle défense, s'il en était besoin. « Femme, dit-il à Giuseppa, mets bas ton sac et tiens-toi prête. » Elle obéit sur le champ. Il lui donna le fusil qu'il avait en bandoulière et qui aurait pu le gêner. Il arma celui qu'il avait à la main, et il s'avança lentement vers sa maison, longeant les arbres qui bordaient le chemin, et prêt, à la moindre démonstration hostile, à se jeter derrière le plus gros tronc dont il aurait pu faire feu à couvert. Sa femme marchait sur ses talons, tenant son fusil de rechange et sa giberne. L'emploi d'une bonne ménagère, en cas de combat, est de charger les armes de son mari.